Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 21 avril 2025 et je vous propose de découvrir tout de suite ce que les astres nous réservent cette semaine. Démarrons tout de suite par nos amis les béliers. Eh bien béliers, grâce à Mercure et Pluton, vous gardez un super moral, c'est chouette ça. Et alors, si vous avez un petit peu de stress, n'hésitez pas à faire un petit peu de sport peut-être pour évacuer tout cela, c'est un trop plein d'énergie. Côté relations, vendredi, la Lune et Mercure vous questionnent, une amitié vous réclame plus d'engagement, mais avez-vous envie de vous investir? Posez-vous la question, peut-être pas. Peut-être si vous en avez l'envie, allez-y. Si vous préférez ne pas y aller, ben voilà, vous avez votre propre décision à prendre, votre libre arbitre. Côté Taureau maintenant, et bien tout d'abord un très joyeux anniversaire si comme moi vous célébrez votre anniversaire cette semaine. Et puis pour les autres, encore un tout petit peu de patience, cela arrive. Alors, avec l'arrivée du soleil cette semaine, dans votre signe et ce, dès lundi, vous êtes tellement en forme que vous pourriez ignorer le danger. Donc la forme c'est bien, mais prudence, il faut éviter toute précipitation. Côté relation, justement, dès dimanche, la nouvelle lune en Taureau vous met au défi. Ne montez pas trop dans les tours face à un adversaire féroce. Donc le maître mot cette semaine, c'est la prudence. Gémeaux, lundi et mardi, Neptune amène sa part d'inspiration. N'hésitez pas à mettre sur pied un projet artistique ou une initiative qui sert la communauté. Côté relations, Mars en Lion vous envoie du renfort, c'est sympa ça. Et votre dynamisme séduit et attire en famille. Soyez le guide parce que vos conseils sont recherchés. Vous avez la baraka cette semaine, les Gémeaux. Cancer, vous voilà plus imprudent. Tâchez de vous rattraper en rassemblant régulièrement vos idées pour retrouver votre concentration. Côté relations, Vénus et Saturne stabilisés ancrent vos relations naissantes. En solo, eh bien, tentez votre chance parce qu'on pourrait vous accueillir à bras ouverts. Alors allez-y, les cancers. Lion, jusqu'à mercredi, Mars et Neptune vous encouragent à agir et à défendre vos idéaux. Rassemblez les troupes et n'hésitez pas à fédérer autour d'une cause, par exemple. Une bonne cause, bien sûr. Côté relations entre jeudi et samedi, méfiez-vous de Mars et Pluton qui vous mènent à des rapports de force en duo ou avec un associé dans le cadre professionnel. La prudence. Vierge, dimanche, la nouvelle lune en Taureau vous conseille d'explorer vos ressources et même d'utiliser vos outils pour trouver une solution pratique. Côté relations, Vénus et Saturne encensent la stabilité de votre couple. C'est chouette ça. N'hésitez pas à dessiner des projets à long terme. Et puis si vous êtes solo, eh bien osez. Et si vous êtes bien solo, restez solo. Ensuite, balance, Mars vous booste, utilisez sa fougue pour faire évoluer vos projets avec audace. Continuez aussi à compter sur certains appuis, c'est important si vous voulez franchir quelques portes. Côté relation, vous recherchez la sécurité avant tout, eh bien évitez de vous jeter à l'eau si vous êtes célibataire, vous freiner dans vos élans. Scorpion, dès mercredi, Mars et Pluton accentuent votre tension nerveuse. Même si vous avez besoin de vos réflexes et de stress pour vous défendre, essayez de vous relaxer le soir. Voilà, lecture, yoga, tricot, ce que vous voulez, mais essayez de vous détendre un petit peu le soir pour être d'attaque la journée. Côté relations, le Soleil, Vénus et Saturne améliorent vos relations et équilibrent vos sentiments. Profitez donc de cette harmonie, c'est toujours bon à prendre. Sagittaire, Pluton, Mercure et Mars en équipe de choc, stimule votre sagacité à profiter de cet avantage dans les résolutions des problèmes et dans la prise de décision. Côté relation, eh bien vous êtes partout et nulle part à la fois. Bon, j'espère pas dans le cadre amoureux, hein. On essaie d'éviter d'être partout. Tâchez de ne pas trop vous éparpiller au risque de créer des frustrations. Ensuite, Capricorne, eh bien rien ne vous arrête. Oui, c'est ainsi cette semaine. Dans le commerce, il est temps de conquérir la clientèle. Au travail, c'est le moment de gagner en reconnaissance. Voilà, grosso modo, cette semaine, on fonce, Capricorne. Côté relation, un élément perturbateur au travail ou dans un projet collectif risque de vous freiner. Écoutez Mars et Pluton, modifiez l'équipe, c'est vous qui avez les rênes cette semaine. Verseau, levez-vous tôt et activez-vous. Oui, oui, Mercure et Pluton vous adoubent. Alors, vous pouvez remporter toutes les victoires, profitez-en. Ne dit-on pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En tous les cas, là, les feux sont au vert, donc profitez un maximum. Côté relation, avec un esprit positif, vous percevez le verre comme à moitié plein. Et ça, c'est chouette. Ne laissez pas les pessimistes vous dissuader de cette vision. C'est important. Gardez toujours le verre à moitié plein. Restez fidèle à votre optimisme. On visualise le succès. Et voilà, on espère que cela vous mènera tout droit vers les victoires que vous espérez, en tous les cas. Poisson, Mercure peut améliorer vos finances, sympa. Alors placez vos billes ou surveillez les bonnes affaires dans vos magasins préférés, par exemple si vous avez des achats à faire. On ne se précipite pas dans les magasins s'il n'y a pas d'achat. Mais si vous en avez à faire, regardez les bonnes affaires. Côté relation, Vénus et Saturne chez vous, le soleil lui est en taureau. Alors les astres vous appellent à prendre soin de votre image, votre aura étincelante charme tout le monde. Voilà, ça c'est tout vous, petit poisson discret, mais cette semaine vous allez vous allez irradier de votre personne et cela va se voir. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous êtes heureux de votre horoscope. J'espère que plein de belles choses vont arriver cette semaine. N'hésitez pas à nous raconter comment les astres ont influencé votre semaine ou comment les étoiles vous influencent en règle générale. Peut-être n'hésitez pas à nous partager vos aspirations. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une semaine douce et remplie de belles surprises, je l'espère en tout cas. On se retrouve très vite pour de prochaines prévisions et on vous embrasse très fort. Ciao.